assassiné. Ça n'était pas un mauvais gars. Il avait juste fait un choix. Le choix de vivre autrement. Le choix d'être différent. Une pierre volée. Malgré la retarde de pitié. Et l'armée attristée. Les commerçants sont dépendants. Ils ne feront plus jamais leur client. Incompris et presque haï par une jeunesse qui n'a qu'un but. Travailler et s'intégrer dans cette société que lui refusait. Cette histoire sera vite oubliée. N'importe qui aurait pu tuer. On ne saura jamais qui c'est. C'est pas de Poirot à sa mémoire. En sachant que peut-être demain, ça sera eux sur le trottoir qui tiendront leur crime dans leurs mains.